franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Oh, aujourd'hui nous partons au bord de la mer et je sens que Philippe va avoir de bien belles histoires à nous raconter sur La Rochelle. Et oui, de bien belles choses à La Rochelle, dont l'étonnant championnat de France de fléchettes électroniques, organisé tous les ans par l'association France Darts. Alors, outre la compétition nationale par équipe, en doublette ou individuelle, le championnat propose également des compétitions internationales. Et en 2008, cette compétition a accueilli près de 10 000 joueurs qui ont joué plus de 26 000 matchs sur 195 cibles, donc de fléchettes électroniques. Ouh là là, c'est impressionnant. Bonjour Cécile. Vous Bonjour. Êtes adepte de la fléchette électronique? Ah non, pas vraiment, non. Enfin, il y a quand même plein d'autres activités, hein, et de centres d'intérêt à La Rochelle. Bien sûr, mais on est un peu contraint d'aller à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Oui, bonjour Cécile. À qui souhaitez-vous bonjour. Parler? Bah un peu à vous deux, en fait. Ah, c'est souvent le cas, et ça nous va très bien, hein ? Et oui, car anima sana... In corpore sano. Oui. Voilà, vous avez des enfants, Cécile ? Oui, Emmanuel. Et c'est à son propos que je vous appelle. D'accord. Emmanuel, à quel âge ? 12 ans, bientôt. Et sa passion, c'est la danse classique. Ah. Une passion dévorante. Ouais, comme toutes les passions, hein. Oui, oui. Mais ça peut l'amener à se séparer de sa famille, de nous, si jamais ça doit devenir son métier. Parce que la formation qui lui correspondrait, qui répond vraiment à son choix profond, c'est l'Opéra de Paris. Eh oui, eh oui, l'Opéra de Paris, c'est magnifique, hein, la danse classique. Ah, oui. Les cygnes, voir toutes ces demoiselles au port de tête altier, avec leur petite nuque délicate et gracile, enfantine. Et la légèreté de ces tutus vaporeux qui se soulèvent au gré des petits sauts. Ah, bien sûr, ça fait rêver, hein. C'est sûr que c'est magique. Eh oui, ah c'est magique. Oui. Alors, la question qui vous préoccupe, c'est en fait jusqu'où peut-on aller et que doit-on sacrifier pour laisser s'exprimer la passion de son enfant, hein. C'est à peu près ça, Cécile. Oui, oui, il y a tout cet aspect-là. Il y a la crainte que... Enfin, la compétition, elle est très, très dure, vraiment. Et mettre si tôt son enfant dans une situation d'échec possible, si jeune... Oui, oui, non, je vous comprends. Il y a quelque chose d'un petit peu effrayant parce qu'il passe, en fait, sans transition, à un statut d'adulte, hein, quasiment. Mais alors, pourquoi est-ce que vous imaginez l'échec? Il faut être dans le même optimisme qu'Emmanuel pour l'accompagner dans son élan. Et c'est rare à cet âge d'avoir une passion comme la danse classique. Et c'est quand même un peu mieux que de passer sa vie à envoyer des SMS à ses copines et flirter sur Facebook. Sur un réseau social. Oui. Non, hein, c'est vraiment pas le genre à faire ça. Hein. Enfin, on a surtout du mal à lui demander de s'arrêter de s'entraîner. Parce que si on laissait faire, ça serait la barre au sol du matin au soir. Ah ouais, oh. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos inquiétudes avec mon mari. Docteur, physiquement, oui. Est-ce que c'est pas trop exigeant, trop dur pour un corps si jeune? Bah, vous savez, les professeurs sont des gens responsables, hein, quand même. Surtout dans une institution comme l'Opéra de Paris. Ils ont des médecins très compétents, des kinés, voilà. Et puis, il suffit de regarder tous ceux qui ont fait de la danse à un haut niveau. Je pense notamment à Zizi Jeanmaire, par exemple, qui, du haut de ses 87 ans, tient encore la dragée haute à un paquet de jeunes débutantes. Hein. Non, et puis, de toute façon, même si Emmanuel ne devait pas devenir professionnel, bah, c'est un bénéfice pour son corps qui lui servira toute sa vie. Et puis, bah, le plaisir de toucher à la beauté, à la grâce, quand elle enfilera son tutu et ses pointes, on ne peut pas lui enlever ça. Hein. C'est le rêve de toute petite fille. Non, non, mais Emmanuel, c'est un garçon. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Ah, je croyais que ça allait couper. Non, madame. Oui, oui, bah écoutez, ça me rassure hein, ce que vous me dites. C'est vrai que la passion chez un jeune garçon, c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux, chère madame, très aliénant et déstructurant chez un enfant si jeune, surtout un garçon, car je vous rappelle qu'Emmanuel, donc votre fils, est un garçon. Bah Ah oui, enfin, à l'instant, vous disiez que... Que malgré le fait que les professeurs dont je parlais plutôt sont professionnels, eh bien, certains, hein, ne nous le cachons pas, profitent de l'égarement passager de ces jeunes garçons dans un univers ultra féminin, hein, toxique, pour laisser aller des pulsions, comment dirais-je, condamnables, n'est-ce pas, Margaret ? Oh là, oui. Non, mais franchement, à ce niveau-là, j'ai plus peur des curés que des profs de danse. Alors, si plutôt que de l'envoyer à la messe, vous préférez lui faire faire des sous de cabri en collant moulant et cache-cœur en mohair, libre à vous, chère madame. Hein. Sans compter les dommages corporels à long terme qui sont dévastateurs chez un garçon. Hein. Et je ne vous parle pas seulement du grand écart facial. Pensez au Mime Marceau, madame, qui a fini bourré d'arthrite, soudé des pieds à la tête, incapable de faire la marche contre le vent sans tomber. Enfin, mais ça va pas, mais il y a des tas de danseurs qui vieillissent très bien et puis qui vont au bout de leurs rêves, au moins. Madame, vous savez, madame, la vie n'est pas un ballet, et là, c'est la psychothérapeute qui vous parle. Laissez-moi vous conter la terrible histoire de Patrick, le fils d'un ami, hein, qui était un petit garçon adorable, hein, Philippe, et qui a échoué au concours de l'opéra, parce qu'on n'y pense jamais, ça, madame, à l'échec, hein, et qui est aujourd'hui transformiste chez Michou, grimé en Mylène Farmer, et qui est prêt à vendre son corps pour un tube de gloss. Vous avez une vision totalement sexiste de la danse. Si c'est un garçon, alors c'est plus acceptable. Mais pas du tout, madame. Mais si. Mais si, tout à l'heure, quand vous pensiez qu'Emmanuel était une fille, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, c'est plus possible. Bah enfin, madame, allons, s'il vous plaît. Il y a des dangers dans tous les métiers. Et si vous voulez faire croire à votre fille, à votre fils, que la danse, c'est tout rose ou tout bleu, eh ben, vous ne le préparez pas à la réalité d'un monde plein de haine, madame. Voilà, d'ambition, de jalousie et de coups bas. Et le rugby, non, Cécile ? Bah oui, c'est vrai, ça, le rugby. En plus, l'équipe de France, ils ont des maillots roses. Mmh. Ce sera un bon moyen, d'ailleurs, de l'intéresser. Mmh. Madame. Alors, je remarque juste, maintenant que Cécile nous a quittés précipitamment, oui. On va dire que son fils a un prénom double et donc confusant. Alors, pour nous, hein, en début d'émission, et pour lui, pour le restant de ses jours. Comme quoi, attention en choisissant les prénoms. Et oui. Et pour Emmanuel, qui est peut-être encore à notre écoute, ce proverbe suédois « Il n'y a pas de danse sans que le diable y mette sa queue ». Comme quoi, merci Philippe. Merci Margaret. Merci Yann Chouquet d'avoir mis en onde cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, Carnet de campagne avec Philippe Bertrand.